بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui on est dans le 15e cours du livre 100 سؤال وجواب في العقيدة, 200 questions et réponses dans la croyance. La semaine dernière on a lu la question 59 et avant la question 58. Et on est toujours en train de parler des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après qu'on ait expliqué l'importance de connaître les noms d'Allah azza wa jal et de connaître le sens des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est entré dans des règles, à savoir pour comprendre correctement les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la semaine dernière, on a vu que les noms d'Allah ou les attributs d'Allah, Azza wa Jal, Sifatullah, Tanqasimu ila Qismain, Sifat al-Fi'liya wa Sifat al-Dhatiya. On a vu que les attributs d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, se divisent en deux. Les attributs d'entité et les attributs d'action. Sifat al-Dhatiya, دائما هي متعلقة بذات الله عز وجل وهي الصفات التي لم يزل الله عز وجل متصفا بها أزلا وأبدا كالسمع والبصر والعلم والقدرة والعلو والحياة وغير ذلك. Et on a vu que les attributs d'entité sont les attributs par lesquels Allah tabaraka wa ta'ala est tout le temps décrit. Il a toujours été décrit par ses attributs et à aucun moment ses attributs, à aucun moment Allah n'est pas décrit par ses attributs. هذه الصفات لا تنفك عن الله عز وجل عن ذات الله أبدا. السمع دائما يسمع. البصر دائما يبصر. القدرة دائما يقدر على كل شيء. العلو دائما هو أعلى من خلقه عز وجل. الحياة دائما هو الحي الذي لا يموت وهذه هي الصفات الذاتية. C'est ce qu'on appelle les attributs d'entité. Les autres attributs, الصفات الفعلية وهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل, هي الصفات التي يفعلها الله عز وجل ويتصف بها متى يشاء كالخلق يخلق متى يشاء والرزق يرزق متى يشاء وغير ذلك كثير. Donc les deuxième types d'attributs sont les attributs d'action, c'est-à-dire ce sont les attributs par lesquels Allah est décrit quand il veut les mettre en pratique, quand il veut les faire. Au moment où il fait, il est décrit par ça. As-sifat al-fi'liya lam yazal Allah 'azza wa jalla muttasifan biha ولكن يفعلها متى يشاء. Les attributs d'action, Allah a tout le temps été décrit par ses attributs, mais il les fait quand il veut. مثال ذلك الخلق. Allah عز وجل متصف بالخلق يخلق سبحانه وتعالى. لم يزل خالقا ولكن يخلق كيف يشاء ومتى يشاء. الرزق. Allah سبحانه وتعالى لم يزل رزاقا قبل أن يرزقنا, هو لم كان رزاقا قبل أن يرزقنا ولكن يرزق عباده متى يشاء, إذا شاء يرزقهم إذا شاء لا يرزقهم يحرمهم. هذه صفة فعلية. السمع يسمع دائما, لا نقول يسمع متى يشاء. البصر يبصر دائما, لا نقول يبصر متى يشاء. العلم يعلم دائما, لا نقول يعلم متى يشاء. فالصفات التي يفعلها متى يشاء صفات فعلية, والصفات التي يتصف بها دائما صفات ذاتية. نك ثم رأينا أمثلة من كتاب الله عز وجل أدلة على صفات الذاتية من القرآن. Ensuite on a vu des exemples d'attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala d'entité dans le Coran. مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله عز وجل نجيك كبارمي يعني كان اليهود عندما وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني لا ينفق ولا يرزق عباده يحرمهم والعياذ بالله قالوا هو بخيل عياذا بالله. فقال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يعطي الرزق لمن يشاء سبحانه وتعالى. فثبت بهذه الآية أن الله عز وجل له يدان، هذه صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله عز وجل. والقاعدة في جميع صفات الله عز وجل أن المسلم يؤمن بها ويؤمن بما وصف الله به نفسه في القرآن وعلى لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام بدون أن يسأل كيف، بدون أن يسأل كيف، بل يعتقد قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويعتقد أن الله عز وجل ليس له نقص أبدا ولا يشبه خلقه أبدا، وهو عز وجل صفاته كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى صفاته حسنى سبحانه وتعالى. Donc on a appris que parmi les règles que le musulman il doit avoir pour bien comprendre les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il doit croire à tout ce qu'Allah lui donne comme information, ou tout ce que le prophète alayhi salam lui donne comme information quand ça parle d'Allah Azza wa Jal, sans poser la question comment. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ يَا مَالِكَ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى كَيْفَ اسْتَوَى فغضب الإمام مالك وحمر وجهه حتى خرج أو عرق جبينه وقال الاستواء معلوم أي نعرف ما هو الاستواء في اللغة العربية هو الارتفاع والاستقرار والصعود والعلو وهذا شيء معروف استوى على المنبر أي ارتفع على المنبر الله تبارك وتعالى استوى على العرش نحن نفهم المعنى ولا نعرف الكيف ولا يجوز لنا نسأل. فالإمام مالك رحمه الله أخرج الرجل هذا من بيته فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة أخرج هذا الرجل من بيته وكما قال رحمه الله أنا متلقى الإمام مالك رحمه الله الواجي أو مالك الله هذه dans le Coran qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, il s'est établi au-dessus de son trône سبحانه وتعالى. Alors comment Allah s'est élevé au-dessus de son trône? L'imam Malik rahimahullah s'est énervé, son visage est devenu tout rouge, il a sorti, il a transpiré du front. Et il a dit, on sait ce que ça veut dire, l'istiwa. S'élever, on sait ce que ça veut dire. Mais comment Allah il a fait? On ne sait pas, on n'a pas le droit de poser la question sur ça. Parce que hadha min ilm al-ghayb. La nudrik. Kama qala azza wa jal, la tudrikuhu al-absar, wa huwa yudrikul al-absar, wa huwa al-latif al-khabir. Nahnu la nudrik, Allah tabaraka wa ta'ala. لا نعرف إلا الأخبار التي جاءت من الله عز وجل. On ne connaît que les informations qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le verset que les yeux ne peuvent l'atteindre, ou les vues, la vision des gens ne peuvent l'atteindre. On ne peut pas voir Allah. في الدنيا أما في الآخرة المؤمنون يرون ربهم عز وجل. Donc, mais Allah lui il atteint les regards. Les regards ne peuvent l'atteindre, mais lui atteint les regards. Lui, il nous voit et nous, on ne peut pas le voir. Donc, on ne peut pas parler d'Allah si on ne sait pas. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de demander kayf quand on parle d'Allah Azza wa Jal. Mais puisqu'on a appris que tous les sifat, les attributs d'Allah, ils sont parfaits, on n'a jamais de problème dans notre tête. Parce que c'est quoi le sabab qui fait que tu dis kayf, ou que un shaitan il vient te faire poser cette question? C'est que tu t'imagines comment ça pourrait être, comment, alors que Allah Azza wa Jal mahma tasawwarta Allah subhanahu wa ta'ala a'lam kulli shay fi sifatihi Azza wa Jal. Tu peux t'imaginer ce que tu veux, Allah est au-dessus de tout ça Azza wa Jal. C'est pour ça que tu lis beaucoup dans le Coran subhanahu wa ta'ala amma yushirikun, subhanahu wa ta'ala amma yushirikun. C'est pas pour rien que tu lis beaucoup ça dans le Coran. Allah Azza wa Jal à chaque fois il dit ça pour dire qu'il est encore plus haut que ce qu'eux pensent, que ce que le mouchirikoun il pense. يعني كثيرا من المسلمين يقرؤون هذه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولكن قلا من يفهمها. يعني beaucoup de musulmans répètent ces versets mais très peu sont ceux qui les comprennent. فإذا تأملت هذه الآية, si tu médites sur ces versets, tu vas voir ce qu'Allah il t'enseigne. هم, si tu lis sourate Safat d'abord pour comprendre, parce que ce verset il vient à la fin de surat As-Saffat. Et si tu lis la surah et tu tata'amaluha, tu la médites, tu vas voir que les mushrikoun wasafu Allah azza wa jal bima la yaliqu bihi. Faqaluna lillah azza wa jal banat wal 'iyadu billah. Wa qalu umuran ukhra. Si tu lis les versets, tu vas voir que les associateurs, ils ont décrit Allah par des choses qui ne conviennent pas à Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fi akhir surah qala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Yani huwa a'la mimma yasifun. Allah azza wa jalla idi subhana rabbik. Subhanallah ay tunazzihu Allah azza wa jalla min jami' an-naqais. Subhanallah kannaka taqul Allah laysa lahu ay naqs. Quand tu dis Subhanallah, c'est comme si tu dis Allah n'a aucun manque. Tu dis qu'Allah il est pur. وَلِهَذَا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ السُّبُوحُ وَالْقُدُّوسُ هَذَا مِنْ مَعْنَى سُبْحَانَ اللَّهِ. Allah à la fin de cette sourate dit Subhana Rabbika Rabbil Izza Amma Yasifun Rabbil Izza. كَيْفَ يَكُونُ رَبُّ الْعِزَّ لَهُ وَلَدٌ. إِذَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ رَبُّ الْعِزَّةِ فَمَعْنَى هَذَا رب العزة نفسه ما يحتاج إلى أي أحد. الله عز وجل يقول هم قالوا الله له ولد سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يصفون الله بالولد أو بالبنت. الله عز وجل يقول هو أعلى مما يصفون. Donc dans ce verset Allah dit qu'il est pur. سبحان ربك. Que ton Seigneur soit exempté. En français le mot c'est exempté. Exempté, ça veut dire il est loin de tout défaut. Il n'a aucun défaut. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur de la force tout entière. Subhanahu wa ta'ala. Amma yasifun. Au-dessus de ce qu'ils ont décrit. Yasifun. Au-dessus de ce qu'ils ont décrit. Thumma sallama ala al-mursalin. Wa salamun ala al-mursalin. Limada? Lianna al-mursalin wasafu Allah bima yaliqu bihi. Et après Allah Azza wa Jalla a dit wa salamun ala al-mursalin, et que la paix soit sur les prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes, eux, ils ont décrit Allah comme il convenait. Donc Allah Azza wa Jalla, il s'est désavoué de ce que les mouchriquins ont dit sur lui. Ensuite, il a dit que les prophètes ont dit la vérité sur lui. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala sifatihi al-ulya. عز وجل. Et après ça, Allah dit الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لأن صفات الله عز وجل كلها كاملة فلابد أن تحمد الله على هذا. لهذا انتهت السورة بهذا والحمد لله رب العالمين. Donc صفات الله تبارك وتعالى كلها كاملة لا نقص فيها. في أي اسم من اسماء الله أو صفة من صفات الله عز وجل طبق هذه القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا أعرف الكيف أعرف المعنى ولا الكيف. واضح هذا إن شاء الله شكرا. Ensuite on a vu des versets, on a vu de nombreux versets justement qui nous montrent que parmi les attributs d'Allah تبارك وتعالى الوجه كما قال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Et aussi on a vu parmi les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala al-kalam. Allah lahu sifatul kalam yatakallamu mata yasha takallama bil Qur'an subhanahu wa ta'ala. Wa dalil ala hadha anna Allah qala wa kallama Allah Musa taklima. Wal ayat fi hadha kathira. Les preuves qu'Allah parle et qu'il parle quand il veut subhanahu wa ta'ala. Le verset où Allah dit qu'il s'est adressé à Moussa, il a adressé la parole à Moussa, il a parlé à Moussa. Ensuite, on a vu beaucoup d'autres exemples. Maintenant, on va voir des exemples adillah ou amthila من الصفات الذاتية من السنة. نحن رأينا من القرآن والآن من السنة. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا تؤخذ إلا في كلام الله وفي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بالعقل، لا بالتفكر، لا بالفلسفة ولا بغير ذلك، فقط بالقرآن والسنة. Maintenant, on va voir des exemples d'attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'entités dans la sunna, c'est-à-dire dans les hadiths, dans les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Pour quelle raison? Parce que ces choses-là, on ne peut les prendre que dans le Coran ou dans la sunna. La raison n'a pas sa place quand on parle d'Allah, des attributs d'Allah. La philosophie n'a pas sa place. Le fait de méditer pour déduire n'a pas sa place. Toutes ces choses-là sont des égarements. Mais le chemin al-sirat al-mustaqim fi hadha al-bab, le droit chemin dans ce chapitre, c'est de prendre dans le Coran et dans la Sunna. Et anna alladhi ya'khudhu min al-Quran wa Sunna la yukhti, lam yukhti. Amma alladhi ya'ti min 'aqlihi qad yukhti. Wa qad yaqulu 'ala Allah ma la ya'lam. Wa hadha min akbar al-kaba'ir 'inda Allah 'azza wa jalla. Celui qui prend du Coran et de la Sunna ne se trompera pas. Et celui qui prend ces choses-là dans autre que le Coran ou la Sunna, il peut se tromper, il va dire des choses sur Allah qui seront fausses. Il va parler d'Allah sans science. As-su'al as-sittun, ma mithalu sifati dhat min as-sunna, jawab, ka qawlihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, hijabuhu nur, law kashafahu, la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqih. Wa hadha al-hadith rawahu Muslim. Donc, parmi les exemples d'attributs d'entité d'Allah tabaraka wa ta'ala, le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim et Ibn Majah. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que nous, on ne peut pas voir Allah, comme vous le savez, fi dunya. Allah subhanahu wa ta'ala lahu hijabun min nur. Allah tabaraka wa ta'ala a un voile fait de lumière. Et il dit, le prophète alayhi salam, لو كشف الله الحجاب لا احرقت سبحات وجهه اي نور وجهه وضياء وجهه من تها اليه بصره من خلقه اي اذا كشف الله الحجاب سيحرق هذا كل شيء لان الله يبصر كل شيء. Le prophète alayhi salam dit dans ce hadith, si Allah dévoilait ou ôtait son voile, la resplendissance de son visage, la pureté et la lumière de son visage auraient brûlé tout ce que sa vue atteint, c'est-à-dire toute chose, parce qu'Allah voit tout. Donc ici, qu'est-ce qu'on tire? Parce qu'on a dit que c'est des exemples d'attributs d'Allah. فَمَا هِيَ الصِّفَاتِ أَوْ الصِّفَاتِ الَّتِي نَسْتَخْرِجُهَا مِنَ هَذَا الْحَدِيثِ. Quel est l'attribut d'Allah qu'on retire de ce hadith? Sifat dhat. Nour. Waj. An-nour ou sifat Allah Azza wa Jal? Encore. Ici, il n'y a pas le waj. Ah, sahih. Le waj. Le visage. Et encore? La vue. La. La l'ayn. Al-basar. Attention. Farq, ya ikhwa, barakallahu fik. بين البصر والعين والسمع والأذن. الله عز وجل له البصر وله العين بأدلة القرآن والسنة، وله السمع بأدلة القرآن والسنة. أما الأذن ما جاء في القرآن ولا في السنة شيء عن هذا، فلا نجوز لنا نتقدم وأن نتكلم فيما لا نعلم، فنقف ونقول الله أعلم، الله ما أمرنا بالسؤال عن هذا. Donc soyez précis dans vos paroles. Quand on dit la vue, il y a une différence entre la vue et les yeux, de même qu'il y a une différence entre l'ouïe et les oreilles. Dans les textes où on voit la vue, on dit la vue. Les yeux, on dit les yeux. L'ouïe, on dit l'ouïe. Tandis, et quant aux oreilles, on n'a pas de dalil dans le Coran ou dans la Sunna, donc on n'a pas le droit de parler sur ça sans science. Donc on voit à travers ce hadith des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ceux-ci, al-nur, aussi al-wajh, le visage, et al-basar. Wa hadhihi sifat dhatiyya. Yani Allah azza wa jalla da'iman yattasifu biha. Wa la tanfakku anhu abadan. Parmi les autres exemples également, ce que l'imam al-Bukhari ou muslim rapporte, qawluhu alayhi salatu wa salam, yaminullahi mal'a, la taghidhuha nafaqa, ay la yunqisuha nafaqa. Saha, ay karima, saha al-layli wa al-nahar. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه أي لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض سبحانه وتعالى. والله quand tu lis les hadiths comme ça, تتعرف على ربك سبحانه وتعالى. Quand tu lis ces hadiths là, tu connais Allah عز وجل. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit ici que la main d'Allah, al-yamin, ay al-yad, al-yumna, la main droite d'Allah subhanahu wa ta'ala est pleine. Et aucune dépense ne diminue ce qu'Allah donne. Aucune dépense. Saha al-layli wa al-nahar, elle est généreuse de nuit comme de jour. Ensuite, le prophète alayhi wa sallam dit, voyez-vous, tout ce qu'Allah a donné à ses serviteurs, depuis qu'il a créé les cieux et la terre, eh bien, sachez que ça n'a jamais diminué ce qu'il y a dans sa main. Subhanahu wa ta'ala. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit, fil ayah, bal yadah mabsutatan, yunfiqu kayfa yasha. Allah a dit qu'il dépense comme il veut, il donne comme il veut. Et les dépenses qu'Allah fait pour ses serviteurs, les dons qu'Allah fait à ses serviteurs, n'ont jamais diminué ce qu'il y a dans la main d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, tellement, il est généreux subhanahu wa ta'ala. Wa bi yadihi al-ukhra al-fayd aw al-qabd. Al-fayd huwa al-bast, kathrat al-ata', wa al-qabd huwa 'aks, al-'aks al-ata'. Yarfa'u wa yakhfid. Allah dit le prophète alayhi salam à la fin du hadith, et dans son autre main il y a le don ou al-qabd. C'est le fait, le contraire de donner. Donner ou priver. Le don ou la privation. Il donne et il prive. À qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, yarfa'u wa yarfid. Il élève qui il veut. Yarfa'u man sha min khalqi wa yarfidu man sha min khalqi. Subhanahu wa ta'ala. Il élève qui il veut parmi ses serviteurs et il rabaisse qui il veut parmi ses serviteurs. Famadha nastafi min hadha al-hadith. Sifat. Qu'est-ce qu'on sort comme attribut d'Allah de ce hadith? Sifat dhat. Attribut d'entité. Na'am, barakallahu fik. La main. Ayu yad. Na'am, exactement. Taïb. Thumma qal biyadihi l'ukhra. Idhan nastafid yadayn. En Allah Azza Jal yahu yadayn. Al-oula yumna. Al-ukhra al-yadu l'ukhra. Na'kul. Hakada. فهمتم؟ لا نقول لا غوش. لماذا؟ نحن تعلمنا أنه لا يجوز أبدا أن نأتي بشيء من أنفسنا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال اليد الأخرى فلماذا نسأل شيء آخر؟ Si le prophète عليه الصلاة والسلام lui a dit et dans son autre main, pourquoi moi je vais dire autre chose que ce que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit? C'est pour ça qu'on vous dit dans le Coran, dans la Sunna, si on s'y accroche, on ne se trompe pas. Mais si on réfléchit de nous-mêmes, on va se tromper, c'est sûr. Donc fais très attention. Ce qu'il y a dans le hadith, c'est ce que tu dis. La tatajawaz. Qif 'inda haddik. Arrête-toi à ta limite. Barakallahu fik. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fi hadith ad-dajjal, inna Allah la yakhfa 'alaykum, inna Allah laysa bi'awar. Donc aussi le hadith qui est rapporté par al-Bukhari selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, lorsqu'il nous parle du Masih al-Dajjal, c'est-à-dire l'antéchrist, le faux Messie, barakallahu fik, qui va arriver et il va se faire passer pour Allah wal iyadu billah. Ça va être une fitna azima. Ça va être min a'zam al-fitan fi akhir as-sa'a, al-Masih al-Dajjal. Parmi les pires troubles qui vont se produire sur terre, l'arrivée de l'Masih al-Dajjal qui va se faire passer pour Allah wal-iyadu billah. Et Allah Azza wa Jal sayujiri ala yadihi khawariq al-adat, umur takharuj ani al-adat, sayaqtul thumma yuhi. وهذا بإذن الله في الحقيقة ابتلاء من الله عز وجل. الله عز وجل il va mettre des choses dans sa main, il va lui donner des choses, il va tuer, il va faire revivre immédiatement. Et en vérité, c'est Allah qui le fait, c'est pas lui. Mais Allah, avec ça, il va éprouver les gens. فَعَلَى كُلِّ حَالٍ المسيح الدجال وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. Le prophète l'a décrit et nous a montré que parmi les défauts qu'il a, أنه أعور وأن الله ليس بأعور والأعور هو الذي له عينان أحدهما طافئة والأخرى يرى بها جيدا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ليس بأعور لأن المسيح الدجال أعور، فمعنى هذا أن الله عز وجل له عينان. لماذا؟ لأنه قال المسيح الدجال له عينان أحدهما طافئة والأخرى يرى بها، ثم قال والله ليس كذلك. لماذا؟ أراد أن يعلمنا أن الله عز وجل له عينان ويرى بهما وليس له نقص فيهما بخلاف المسيح الدجال. Allah subhanahu le prophète alayhi salam a voulu par ça nous enseigner qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ses attributs qui sont les yeux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a deux yeux. Parce que le prophète alayhi salam nous dit que le Masih al-Dajjal est borgne. Et le borgne est celui qui a deux yeux. L'un ne marche pas et l'autre, l'un ne fonctionne pas. Il est éteint, il est fermé. Et l'autre fonctionne. Ensuite, il nous dit, et Allah n'est pas borgne. Et la raison pour laquelle le prophète alayhi salam nous enseigne, nous dit, Allah n'est pas borgne, c'est pour nous dire qu'Allah azzawajal a deux yeux parfaits. Car tous ses attributs sont parfaits. Et qu'il n'a pas de manque, contrairement au Dajjal qui lui a un manque. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la croyance du muslim, apportée par le prophète alayhi salam. وفي حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. Donc dans la salat al-istikhara, la prière de consultation, quand quelqu'un veut faire quelque chose, il consulte Allah. Et ça fait partie de la sunna. Et on conseille à celui qui ne fait pas ça de le faire. Lorsque tu veux te marier, salli l'istikhara. Lorsque tu veux acheter une voiture, salli l'istikhara. Lorsque tu veux aller dans un endroit où tu veux faire du commerce, où tu veux t'associer avec quelqu'un, où tu veux acheter quelque chose ou vendre quelque chose, salli l'istikhara. Li anna Allah azza wa jalla kafa bihi wakila wa kafa bihi hasiba. Wa man tawakkala ala Allah fa huwa hasbuh. Wa min a'zam at-tawakkul ala Allah an tusalli al-istikhara. تفوض أمرك إلى ربك سبحانه وتعالى. Et c'est une sunna à faire. Lorsque tu as un projet et que tu ne sais pas si c'est bon pour toi ou mauvais, prie la consultation et apprends l'invocation à faire. Et dans cette invocation, on retire des attributs d'Allah. نستخرج من هذا الدعاء صفات الله عز وجل الذاتية. Donc, le prophète عليه الصلاة والسلام dit اللهم إني أستخيرك بعلمك. Oh Allah, je te consulte par ta science. فماذا نستخرج من هذه الجملة من صفات الله عز وجل. Qu'est-ce qu'on tire comme attribut d'Allah de cette phrase? اللهم إني أستخيرك بعلمك. العلم. والعلم صفات ذات. إن الله يعلم ويتصف دائما بالعلم. لا ينفك العلم عن ذات الله عز وجل. سبحانه وتعالى. La science. Wa astaqdiruka bi qudratik. Man, c'est qui a parlé? Na'am, al-qudra. Al-qudra min sifatillah azza wa jal, al-dhatiya ou al-fi'liya? Al-dhatiya. Lian al-qudra la tanfakku anillah abadan. Da'iman Allah qadir ala kulli shay. Al-qudra, la capacité. Wa as'aluka min fadlika al-azim. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. وهذه من أسماء الله السميع البصير والقريب سبحانه وتعالى. والحديث رواه مسلم البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقصة الحديث أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، ومن السنة في السفر إذا كنت في علو أن تكبر، أن تقول الله أكبر الله أكبر الله، في الطائرة أو في السيارة في علو تصعد تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإذا كنت في النزول تقول سبحان الله سبحان الله. الصحابة رفعوا أصواتهم، كبروا بأصوات مرتفعة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، أي أراد أن يعلمهم أن الله يسمعهم، لا يحتاجون أن يرفع أصواتهم. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا قريبا. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit dans le hadith: vous n'invoquez pas un sourd ou quelqu'un qui est absent, vous invoquez quelqu'un qui vous entend parfaitement, vous voit parfaitement et qui est proche. Subhanahu wa ta'ala. Et l'histoire de ce hadith, c'est que les compagnons étaient en voyage avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et dans la sunna, quand tu es en voyage et que tu es en montée, tu dois dire Allahu Akbar. Que ce soit tu montes en voiture, par exemple une pente, une colline, une montagne, ou bien en avion, ou en quoi que ce soit, quand tu montes, c'est de la sunna de dire Allahu Akbar. Et quand tu descends, de dire Subhanallah. Les sahaba ont levé leur voix et ont crié Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: vous n'invoquez pas quelqu'un qui est sourd ou quelqu'un qui est absent, vous invoquez quelqu'un qui est audient, c'est-à-dire qui vous entend, et qui est clairvoyant, c'est-à-dire qui voit tout, subhanahu wa ta'ala, et qui est proche. Et ces trois noms font partie des noms d'Allah: As-Sami', Al-Basir, Al-Qarib. Maintenant, qu'est-ce qu'on tire de ce hadith comme attribut d'Allah? ماذا نستخرج من هذا الحديث من صفات الله عز وجل؟ خلاص انت عجبت ما شاء الله جزاك الله خير. Qu'est-ce qu'il répond? طيب c'est quoi la sifa? ذاتية. ما هي الصفة؟ c'est quoi la sifa عبد الكريم؟ السميع. Ça c'est le nom. Moi je veux l'attribuer. نعم سمع. البصير. البصر. القريب. لا القريب القرب. طيب فمن صفات الله عز وجل الذاتية ما هي؟ السمع والبصر والقرب. والمراد بالقرب، المراد بالقرب أن الله عز وجل قريب من عباده المؤمنين، أي يعينهم ويوفقهم ويحفظهم ويسترهم ويرزقهم ولا يتركهم ولا يخذلهم. أما هو نفسه عز وجل معلوم أنه فوق عرشه فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى، كما قال في الآية: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بعلمه الله عز وجل، بعلمه قريب من جميع عباده سبحانه وتعالى. Donc dans ce hadith on tire trois attributs d'Allah: السمع c'est-à-dire lui, البصر la vue, القرب le fait d'être proche. Et quand on dit qu'Allah est proche, c'est-à-dire qu'il est proche, il sait tout ce que son serviteur fait, il aide son serviteur, il le protège, il lui facilite ce qu'il entreprend. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son septième, au-dessus de son trône, au-dessus du septième ciel subhanahu wa ta'ala. لماذا من السنة التكبير في السعود والتسبيح في النزول؟ Pourquoi ça fait partie de la sunna de dire Allahu Akbar quand tu montes et Subhanallah quand tu descends? Quand on monte, on va vers Allah. Quand on descend, quand on descend, quand tu descends, tu vas vers qui? Allah est haut. Tu remontes Allah aussi. Tu dis voilà, t'es grand. Quand tu descends vers. C'est pas de Oulouf. Répète. Quand tu descends, tu te rapproches. Quand tu montes, Allah il est haut. Et tu lui montres aussi, Allah est grand, il est haut. Et quand tu descends, quand tu descends, et tu descends aussi, tu vas te dire, voilà, tu fais. Il est très proche, mes frères. Il est très proche de la réponse. Il faut juste bien la dire, c'est tout. Mais il comprend, il a 70% de la réponse. La réponse, annaka indama takun fi as-su'ud anta tartafi', sahih? Quand tu es en voyage et que tu es en train de monter, tu es en train de t'élever. Fa tatadhakkar anna mahma 'alawt wa mahma irtafa't Allah akbar mink. Akbar min kulli shay. Subhanahu wa ta'ala. Et la sagesse de dire Allahu Akbar quand tu montes, Allah est plus grand, c'est parce que quand tu es en montée, par exemple, imagine-toi quand tu es en avion et tu montes jusqu'à arriver au-dessus des nuages, et quand tu te mets à la fenêtre de l'avion, tout ce qui est en bas, on dirait que c'est minuscule, c'est tout petit. Et ben tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui est encore plus grand que toi et qui est encore plus haut que toi, qui est Allah. C'est pour ça que tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et quand tu descends, pourquoi tu dis Subhanallah? Vous avez compris ce que ça veut dire, subhanallah? C'est-à-dire, il est parfait. Parce que la descente, toi, tu reviens vers le bas. Et Allah, non. Il reste en haut, subhanahu wa ta'ala. Fataqul subhanallah, ana fi naqs, indi naqs, anzil. Wallah azza wa jal, daiman fil ulu, subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. الحديث معروف أخرجه البخاري وغيره. Aussi le hadith où le prophète عليه الصلاة والسلام dit lorsqu'Allah veut faire la révélation ou veut révéler une chose, il parle avec la révélation. Subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah veut donner un ordre, il parle. Subhanahu wa ta'ala. Et les malaïka entendent l'ordre d'Allah. Allah عز وجل قال في القرآن كل يوم هو في شأن أي كل يوم الله يفعل شيء ويقدر شيء هذا سيموت هذا سيولد هذا سيرزق هذا سيحرم هذا سيكون له أمور كل يوم يشفي يمرض يعطي يمنع يرفع يخفض ينزل المطر يحبس وهكذا chaque jour Allah fait une chose. Et lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala veut donner un ordre, il parle. Il parle. Et dans ce hadith-là, le prophète alayhi salam nous dit que lorsqu'Allah veut faire la révélation, il parle. Et donc qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? هذه الصفة التي نستخرجها من هذا الحديث صفة ايوه صفة الكلام. الله يتكلم بالوحي يحرم ويحلل كيف يشاء سبحانه وتعالى وهذا الحديث c'est le tafsir de la parole d'Allah في سورة سبا قال عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ما معنى هذا الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم بالوحي الملائكة تسمع أمر الله سبحانه وتعالى فتخاف من الله سبحانه وتعالى فتغشى تسقط يغشى عليها حتى إذا فزع عن قلوبهم أي حتى إذا نزع الله الفزع من قلوبهم واستيقظوا تكلموا فيما بينهم ماذا قال ربكم قال منهم قالوا الحق. C'est-à-dire que dans ce verset, Allah nous dit que les anges, lorsqu'ils entendent l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont tellement peur qu'ils s'évanouissent. Et que c'est comme eux, ou c'est pour eux, comme une chaîne avec laquelle on frappe un rocher. Dans le hadith, ce hadith-là, il est plus long. Ka'annaha silsilatun ala safwan. Tadrabi silsila ala hajar. Hada saut. هو الصوت الذي يسمعه الملائكة عندما يتكلم الله عز وجل من شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى tellement qu'ils ont peur d'Allah lorsqu'Allah leur donne un ordre ça résonne pour eux comme si on frappait avec une chaîne un rocher ensuite ils s'évanouissent et jusqu'à ce qu'Allah les réveille et enlève de leur cœur la peur ils se parlent entre eux qu'est-ce qu'Allah a dit et ils se répondent il a dit la vérité et c'est lui l'Ali al-Kabir وفي حديث البعث يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك الحديث. ماذا نستخرج من هذا الحديث؟ Dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام dit que le jour du يوم القيامة, Allah subhanahu wa ta'ala va parler à Adam et va l'appeler. Et Adam va lui répondre لبيك أي أجيبك. Ujibuk ya Allah, nadaytani ujibuk. Je réponds à ton appel. Donc qu'est-ce qu'on tire de ce verset? Il parle longtemps. Et les hadiths qui nous parlent du fait qu'Allah Azza wa Jalla a la parole sont très nombreux. As-su'al al-awwal wa sittun, ma mithalu sifati al-af'al min al-kitab. Question 61. Des exemples d'attributs, d'actions d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on tire du Coran. Al-jawab, mithalu qawlihi ta'ala, thumma stawa ila samaa. Puis, il s'est élevé au ciel, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on tire de ce verset? Hein? Al-istiwa. Ma'ana al-istiwa, al-irtifa'. والاستقرار والصعود والعلو. أما الكيف كما قال مالك رحمه الله لا نعرف ولا نسأل كيف. والاستواء صفات فعل أو ذات؟ صفات فعل يا أخي. لماذا؟ لأننا قلنا مثال من الصفات الفعلية. صفات الفعلية والاستواء هو الارتفاع. الله يرتفع متى يشاء. Donc c'est un attribut d'action, car c'est une chose qu'Allah fait quand il veut. Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah, surat al-Baqarah. Qu'est-ce qu'ils attendent si ce n'est la venue d'Allah? Qu'est-ce qu'on tire comme attribut d'Allah de ce verset? Qu'il va venir. Comme attribut d'action, mais quel attribut? La venue. Exactement. Al-Itiyan. من صفات الله عز وجل الإتيان أي يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. Il va venir le jugement dernier, كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا. Ton Seigneur va venir avec les anges en rang. وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Allah dit dans ce verset, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, alors qu'il fera de la terre entière une poignée le jour de la résurrection, et que les cieux seront pliés dans sa main droite. Qu'est-ce qu'on tire comme attribut de fi'l, comme attribut d'action de ce verset? Riyad, qu'est-ce qu'on tire? Hein? Non. C'est pas la destruction. Allah Azza wa Jal, il va faire une poignée de la terre, mais il n'a pas dit détruire dans ce verset. On reste dans le verset. Le geste, la puissance. Oh, mais la main, c'est une sifat de quoi? De tir. T'es sûr? Pas une action. Ouais. Donc c'est une sifat d'être. Et nous, on parle de sifat fi'al. Et dans ce verset, il y a sifat d'être et fi'al. Mais nous, on cherche fi'al ici. On cherche les attributs d'action. Brahim. Exactement. Le fait de plier, comme Jamal l'a dit, parce que Allah tabaraka ta'ala a dit les cieux seront pliés dans sa main droite, subhanahu wa ta'ala, et également al-qabda wal-ard jami'an qabdatuhu qabdatullah qabdatuhu Allah lahu al-qabda, et il fera de la terre entière une poignée. La poignée et le fait de plier sont les attributs d'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala عندما قال لإبليس ما منعك قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. Lorsqu'Allah a dit à Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Qu'est-ce que tu sors comme attribut d'action aussi? Sifat fi'al. Créer. C'est hadith l'aïa. Barakallah. Hein? Il parle aussi, fait Iblis. ولكن صحيح صفات الكلام وصفات الخلق parce qu'Allah ici a dit qu'il a créé de ses deux mains. وأيضا قوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء. Et nous lui avons écrit dans les feuillets toutes choses. À Moussa alayhi salam. Lorsqu'Allah a fait la révélation à Moussa. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Nous lui avons écrit dans les feuillets toutes choses. الكتابة. صفات الكتابة. Allah écrit ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّى فَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. Surat al-A'raf. التجلي هو الظهور. ففي هذه الآية لما طلب موسى من الله عز وجل أن يراه تجلى له أي ظهر له فلم يقدر موسى على رؤيته فخر موسى صاعقا عليكم السلام. Dans ce verset, Allah nous dit lorsqu'il s'est montré, lorsque son Seigneur s'est montré dans la montagne ou sur la montagne ou devant la montagne, comment c'est traduit exactement en français, Ibrahim? Hein? Le mentor. Au mont. Le mentor. Oui. Lorsque son Seigneur s'est manifesté ou s'est montré au mont, Moussa, il est tombé. Comment on dit? Évanoui. Ah, mais dans le mot. Oui, c'est moi qui ai rajouté la fin du verset. Moussa est tombé quand tu te prends un éclair. Moussa est tombé foudroyé. Donc ici, on voit que parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, se montrer التجلي. والتجلي هو الظهور. وقوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء. Certes, Allah fait ce qu'il veut. ماذا نستخرج من هذه الآية؟ Qu'est-ce qu'on sort de ce verset comme attribut d'Allah? الفعل. الفعل. يفعل ما يشاء. وغيرها من الآية. Et d'autres versets encore. السؤال الثاني والستون ما مثال صفات الأفعال من السنة. Maintenant, nous allons voir des exemples d'attributs d'action d'Allah Azza wa Jal dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jawab مثل قوله sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الليل الآخر الحديث فيقول من هل من داع فاستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فاغفر له وهذا من كرم الله عز وجل نحن نذنب في الليل والنهار والله سبحانه وتعالى يعطينا الفرصة حتى نتوب إليه. Donc ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام dit notre Seigneur descend chaque nuit dans le ciel le plus bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit pour dire y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je l'exauce, qui me demande pour que je lui donne, qui veut mon pardon pour que je lui pardonne. Donc qu'est-ce qu'on comprend ici comme sifat fi'l? Sifat al-nuzul. Wallahu azza wa jalla yanzilu ila as-sama' ad-dunya hatta yastajiba ad-du'a wa ma'a dhalika yabqa a'la min kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus bas. Et c'est un attribut d'Allah, Azza wa Jal. Malgré ça, il reste plus haut que tout. Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fi hadithi shafa'a fayatihimullahu fi suratihi allati ya'rifun fayaqulu ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna al-hadith. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dit que le jour du jugement dernier, Allah viendra et les croyants le reconnaîtront. Et il leur dira, je suis votre Seigneur. Ils lui répondront, tu es notre Seigneur. نستخرج من هذا الحديث الاتيان فيأتيهم الله. On sort de ce hadith comme attribut d'Allah la venue. Allah va venir le jour du jugement dernier. Subhanahu wa ta'ala. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. Subhanahu wa ta'ala. Allah pliera ou fera une poignée de la terre, fera de la terre une poignée le jour du jugement dernier, et les sept cieux seront dans sa main droite et il dira, je suis le roi. Je suis le roi. Subhanahu wa ta'ala. Et cela fait partie des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-qabd. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, lamma khalaqa Allahu al-khalq kataba bi yadihi ala nafsihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Wa ikhtalafa al-ulama fi bi yadihi sihhat hadha nisbat hadha ila an-nabi alayhi as-salam. Minhum man yaqul hadha dha'if. فالحديث لما خلق الله الخلق كتب على نفسه كتب على نفسه إن رحمته تغلب غضبه. فمنهم من يقول صحيح قال كتب بيده. Le hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام dit, lorsqu'Allah a créé la création, il a prescrit ou il a écrit que ma miséricorde va être plus, va vaincre mon châtiment ou ma colère. Donc la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est plus forte que sa colère. Subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on tire comme attribut d'action d'Allah Subhanahu wa ta'ala dans ce hadith? Sifat fi'l. Hein? Al-Khalq. Et encore? Hein? Na'am. Al-Kitaba. Et encore? Hein? Encore. الخلق لا مت... هذا اسم انا اريد الصفه رحمه donc on tire trois attributs d'Allah ici, la création, l'écriture et la miséricorde. Hana huwa ta'ala wa rabi'an, quatrièmement la colère. Wa fi hadith ihtijaj adam wa musa فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. هذا الحديث أخرجه البخاري. Donc dans ce hadith là, le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit que Moussa va parler avec Adam. Moussa va lui dire: يا آدم pourquoi tu as désobéi à Allah. Moussa va lui dire: يا آدم لماذا في معنى الحديث لماذا عصيت ربك لما نهاك عن أكل الشجرة لماذا أكلت منها فأخرجتنا من الجنة إلى الدنيا. عليكم السلام. موسى va dire à Adam: oh Adam, pourquoi tu as désobéi à Allah et tu as touché de l'arbre interdit et à cause de ça on est sorti du paradis. سيقول له آدم أتلومني على شيء كتبه الله. Adam va lui répondre: alaykoum salam, tu me fais des reproches pour une chose qu'Allah a décrété, Allah a écrit, subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce hadith là, Moussa dit, ou Adam dit à Moussa pour lui répondre: ya Moussa istafak Allah bi kalami wa khatta laka at-tawrat bi yadi thumma yasaqul lahu atalumuni ala shay'in qaddarahu Allah li qabla khalq. وكما قال عليه الصلاة والسلام فآدم دي موسى أو موسى الله تشوازي par sa parole et il a écrit خطا اي كتب لك التوراة بيده et il a écrit pour toi la Torah avec sa main. Qu'est-ce qu'on tire comme attribut d'action de ce hadith? L'écriture. Oui. Ibrahim, quoi d'autre? Le fait de choisir. Non, le fait d'élire. إلا الاصطفاء اصطفى يصطفي من يشاء من عباده عز وجل. طيب فكلامه تعالى ويده صفة ذات وتكلمه صفة ذات وفعل معا وخطه التوراة صفة فعل. على كل حال il nous fait comprendre que le fait qu'Allah parle سبحانه وتعالى c'est un attribut d'action. Et le fait qu'Allah écrive aussi. Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil layl liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'un layl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha fi akhir al-hadith. Dans ce hadith, le prophète alayhi sallam nous dit, ce hadith il est rapporté par Muslim, certes Allah tend sa main de nuit pour que se repente celui qui a fait des péchés le jour, et il tend sa main le jour pour que se repente celui qui a fait des péchés la nuit. qu'est-ce qu'on tire comme attribut d'action de ce hadith? Naam, al-bast. Et une autre? Sahih. Al-tawb. An Allah yaqbalu al-tawba. Min asma Allah Azza wa Jal al-tawba. Wa hadha l'ism fihi sifat al-tawb. Wa al-tawb wa qabulu al-tawba. Fa min sifat Allah Azza wa Jal al-tawb wa al-bast. Le fait, les attributs que l'on tire de ce hadith, le fait qu'Allah tend sa main, subhanahu wa ta'ala, et le fait qu'Allah accepte le repentir de son serviteur. Il reste combien de temps? 10 minutes. On va terminer avec cette question, inshallah. As-su'al al-thalith wa al-sittoun, hal yushtaqu min kulli sifat al-af'al asma, am asma'ullahi kulluha tawqifiyya? La question 63, est-ce que de chaque attribut d'action, ou est-ce que chaque attribut d'action implique un nom forcément, ou bien les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ils sont arrêtés au Coran et à la Sunna, c'est-à-dire on voit que Allah fait des choses subhanahu wa ta'ala, est-ce que toutes les choses qu'il fait subhanahu wa ta'ala on tire un nom de ça? Famithalan min sifat Allah azza wa jal at-tadbir. Allah yudabbir jami' al-umur. Subhanahu wa ta'ala, l'organisation. Allah organise toutes choses. Hada sifat, hadhihi sifat fi'l. Yudabbiru ma yasha, kayfa yasha, mata yasha. Il organise ce qu'il veut, quand il veut. Subhanahu wa ta'ala. Fahal naqul min asma Allah al-mudabbir li anna min sifatihi at-tadbir. Est-ce qu'on dit que parmi les noms d'Allah al-mudabbir, l'organisateur, parce que parmi ses attributs, l'organisation, ou bien on regarde s'il y a dans le Coran et dans la Sunna ce nom-là, avant de le dire. Vous avez compris la question? C'est quoi la réponse, c'est vrai? On regarde, j'attends plus Alice. Mais tu connais ou pas? Non. T'as une idée peut-être? J'ai une idée, j'attends. Ibrahim, Abdelkarim. Non. C'est aussi. Ah. Exactement. Non, la réponse est non. Tu voulais continuer? La réponse est non. Chaque nom d'Allah, pour l'affirmer et pour l'attribuer à Allah, il nous faut l'avoir lu dans le Coran et dans la Sunna. Et c'est pas parce qu'on voit un attribut qu'on affirme un nom directement. On peut, Allah, il a des attributs, mais on n'en sort pas des noms. Tandis que ces noms, on en sort des attributs, forcément. Allez. Kullu asma Allah fiha sifat. Al-Razzaq, Al-Razzaq. Al-Rahman, Al-Rahman. Al-Wadud, Al-Wud. Al-Malik, Al-Mulk. Al-Wahid, Al-Wahdani. Tous les noms d'Allah ont des attributs. Wa laysa al-aks. Yani, laysa kullu sifat Allah Azza wa Jal tadullu ala asma. Allah lahu at-tadbir, walakin laysa min asma'ihi al-mudabbir. Allah Azza wa Jal a tous ses noms ont des attributs. Et tous les attributs n'ont pas forcément des noms. Ce sont des attributs, mais ils ne sont pas forcément des noms d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, le tadbir, l'organisation. Pourtant, Allah n'a pas parmi ses noms, al-mudabbir, l'organisateur. Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, on ajil hadha su'al ila al-subu' al-muqbil, inshallah. On reporte cette question à la semaine prochaine, inshallah. Wallahu alam, wa nas'al Allah an yufaqihana fi d-din, wa an yusabbirana ala ta'allum. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبارك الله فيكم.